seuls, deux enfants perdus sur la plage, faisons comme les grands à travers le temps. Nous sommes tous les deux les cette plage d'amoureux. Nous sommes deux enfants usés par le temps. Nous sommes deux enfants qui ne savent pas que pour devenir des grands, s'aimer entre temps. Oh, amie-moi encore une fois, oublie l'avenir et nos 20 ans qui viendront bien tout doucement nous arracher à cette plage. Nous sommes deux enfants perdus plage, faisons comme les grands à travers.